L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 9 mars va se dérouler à Metz une marche pour la biodiversité. Ça se passera place de la Comédie à 14h. Et pour nous présenter ce rendez-vous, nous avons Victor au téléphone. Bonjour Victor. Bonjour. Victor qui est à l'origine de cette marche, c'était il y a un peu moins d'un an, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Tu as 14 ans ? Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer cette marche pour la biodiversité ? C'était en mai de l'année dernière. Oui, alors on parle beaucoup d'érosion de la biodiversité. Alors tout le monde peut faire des choses, dans son jardin, poser des nichoirs, planter des haies, tout le monde peut faire des choses, mais rien ne se fera vraiment s'il n'y a pas une réelle volonté politique d'agir contre cette érosion de la biodiversité. Et donc une marche pour la biodiversité, c'était un moyen de faire descendre les gens dans la rue pour dire que nous, on veut que les choses changent et que nos dirigeants agissent en faveur de la biodiversité. C'est quoi le déclic qui a dit faut vraiment, vraiment agir aujourd'hui? Le déclic, on va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de déclic vu qu'on est constamment baigné là-dedans. Et à un moment donné, à force d'entendre des chiffres, de voir des articles, des études qui ressortent, à un moment donné, on en a marre et on se dit il faut vraiment qu'on fasse des choses maintenant, quoi. Et tu en parles aussi avec des camarades qui ont le même âge que toi ? C'est sûr qu'avec les autres enfants que je connais, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Ouais, parce que le sujet n'intéresse pas forcément tout le monde, quoi. C'est vrai qu'on voit quand même que ça bouge au niveau des jeunes parce que il y a, par exemple, avec les grèves du climat en Belgique ou même les associations comme Little Citizens for Climate, par exemple, c'est cool, quoi, parce qu'on voit quand même que les choses changent chez les jeunes et chez les adultes, donc c'est pas mal, quoi. Alors, quand on a 14 ans, lancer une idée d'une marche, c'est bien, mais tout seul, c'est peut-être un peu compliqué. Comment tu as fait de ton côté pour mobiliser autour de toi du monde ? Oui, c'est vrai que c'est pas évident de faire une marche tout seul. Donc, nous, on est à trois avec mes parents, c'est sûr que c'était pas évident. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à des associations pour être porteuse du projet. Et comme moi, je suis adhérent à la LPO Moselle, on s'est adressé à la LPO Moselle et du coup, la LPO Moselle est porteuse du projet. Juste en quelques mots, la LPO Moselle, tu peux nous dire c'est quoi ? Oui, alors la LPO, même nationale, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc en fait, la LPO a pour but de sensibiliser les gens sur la nature et en particulier sur les oiseaux, mais aussi de protéger certaines espèces comme l'hirondelle ou le busard cendré. C'est plusieurs actions en faveur de la biodiversité. Et donc, c'est la LPO qui pilote un peu ce projet de cette grande marche pour la biodiversité, qui mobilise quand même aussi pas mal de monde, pas mal d'associations sont partenaires et vont participer à cette marche. Ce sera donc le samedi 9 mars. Il y a plus d'une soixantaine d'associations qui vont y participer au collectif, c'est ça ? Oui, actuellement, il y a une soixantaine d'associations qui soutiennent et qui participeront à la marche. Avant tout, le but de la marche était aussi de fédérer les associations, pour tous ensemble, marcher pour la biodiversité. Donc, quand on voit, que tous les jours, il y a des associations qui nous soutiennent, c'est plutôt pas mal parce qu'on se dit qu'on a peut-être réussi notre coup, quoi. Et qu'est-ce que tu attends, toi, personnellement, de cette marche, justement, que ça mobilise des associations, mais pour après ? J'en attends que ça soit assez médiatisé pour qu'on entende parler qu'il y a des gens qui descendent dans la rue pour contre l'érosion de la biodiversité. Et puis aussi, ça permet aux gens qui sont pas forcément adhérents d'associations, qui sont pas forcément bénévoles dans des associations, de se mobiliser un peu. Parce que souvent, au cours de discussions avec quelqu'un, on parle des pesticides, ils vont nous dire « Ah oui, nous, on est contre les pesticides, il faut que ça s'arrête » ou « on est contre la surpêche dans les océans ». Et donc tout ça, c'est un moyen pour que tous ces gens se réunissent le 9 mars et qu'ils disent « nous, on est contre tout ça et on veut que les choses changent ». Donc tu leur donnes rendez-vous à tous le 9 mars à 14h, place de la Comédie ? Voilà, c'est ça. Le 9 mars, place la Comédie à 14h pour exiger une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité. Et on peut te retrouver et retrouver cette marche sur Facebook aussi ? Oui, on a un Facebook qui s'appelle Marche pour la biodiversité Metz. Donc on trouve le manifeste, pas mal d'informations sur la marche, quoi. Et puis quelques vidéos aussi. Dont l'appel que tu as lancé pour cette marche notamment. Merci Victor pour toutes ces explications et donc rendez-vous à Metz le 9 mars prochain à 14h. Merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.